18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Denis Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant qu'il y avait une compétition de nos athlètes du club du Mille, du secteur de Dolbeau, étaient en action à Sainte-Thérèse dans la région de Montréal au cours de la dernière fin de semaine. Et ça a quand même bien été pour nos athlètes du club du Mille, du secteur de Dolbeau. On va vous donner les résultats dans quelques instants. À noter que durant la compétition aux 800 mètres Benjamin, Sarah-Jeanne Simard, médaille d'or avec un temps de 4 minutes 19 secondes et 96 centièmes. Dylan Dufour a réussi une médaille d'argent avec un temps de 5 heures 24 minutes et 33 secondes. 1500 mètres marche cadette, Caroline Dufour, médaille d'or avec un temps de 7 minutes 38 secondes et 35 centièmes. Notez également que Léonie Glaser a remporté une médaille de bronze avec un temps de 9 minutes 5 secondes et 12 centièmes. 3000 mètres marche juvénile, Elisabeth Simard, médaille d'or avec un temps de 15 minutes 43 secondes et 1 centième. Au 200 mètres cadette, Maïka Pelcha, 16e position dans le cas de Maïka avec un temps de 28 secondes et 71 centièmes. Elle passe en finale du B. 2000 mètres cadet, Mirali Mathieu, 6e place avec un temps de 7 minutes 14 secondes et 71 centièmes. Gabriel Lamontagne a terminé au 7e rang avec un temps de 6 minutes 26 secondes et 93 centièmes. C'est le meilleur temps à vie pour Gabriel Lamontagne. Donc bravo à tous ces athlètes du secteur du Club du Mille, du secteur de Dolbeau. Parlons maintenant de Marie Besson de Dolbeau-Mistassini. Elle était en Hongrie au cours de la fin de semaine. Et dans le cas de Marie Besson, elle a terminé au 7e rang dans sa catégorie. Elle a été éliminée samedi. Au soccer, une partie nous intéressait hier et gain de Dolbeau-Mistassini 4-1 sur Roberval United. Et le FC de Saint-Félicien a perdu 7-0 contre Saint-Bruno. Maintenant, notez que ce qui se passait maintenant du côté du golf en fin de semaine dans la classe 2A, Marc-Olivier Bougie a réussi un pointage de 72 pour remporter la victoire dans un tournoi qui s'est déroulé à Chibougamo. En classe A, Laurier Vincent a terminé avec un pointage de 71. Classe 2B, Jean-Guy de Dolbeau-Mistassini, 79. Et en classe B, Gilles Malouin de Dolbeau-Mistassini a réussi un pointage de 98. Il y avait 38 golfeurs, dont 19 nous promenaient de l'extérieur. Le sport local et régional, adanradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.